Entre hypnose spectacle, hypnose de rue, hypnose thérapeutique, le grand débat. Êtes-vous prêt? Oui, tout à fait. Êtes-vous bien installé? C'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. C'est Didier & Co. Et c'est maintenant. Eh bien, bonjour messieurs. Didier & Co. Trois invités surprises. Arc-en-Ciel Orléans. 96.2 MHz. Ils sont là, ils sont dans les starting blocks, ils me regardent droit dans les yeux. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter? On va commencer par ma droite, face à vous. Donc monsieur le président d'abord, à toi, une présentation brève, hein, brièvement. Alors je me présente, d'abord bonjour à tous, Philippe Loiseau, président de l'association Hypnotise, et hypnotiseur principalement de spectacle depuis plus de 10 ans maintenant. Ok, donc au milieu, que je connais un petit peu plus particulièrement. Salut Didier, salut tout le monde. Eh ben moi je fais partie également de l'association Hypnotise, qui est dédiée normalement à faire que du spectacle. Et puis je suis également hypnotiseur thérapeutique. Mais tu vas m'endormir toute l'après-midi quoi. Pas obligatoirement. Et Fabrice, de mémoire. Oui, coucou, bonjour à tout le monde. Je suis aussi partie du groupe Hypnotise. Et je suis hypnotiseur aussi de spectacle. Et je suis en même temps thérapeutique. Ah, ça tombe très bien parce voilà. Que je vous l'annonçais tout à l'heure quand vous êtes arrivé. J'ai reçu quelques questions en plus de celles que j'avais préparées. Donc, il va falloir y aller d'aïdaï. Hein. Il va pas s'endormir sur le matelas. On est là pour ça. Eh bien, écoutez, on va commencer tout doucement. Hein. Bon, sachez qu'il y aura de temps en temps des petites escales musicales, donc on va faire des pauses musicales avec la session que vous m'avez donnée, j'en ai sélectionné quelques-unes, puis il y aura une petite surprise aussi de mon côté pour vous faire découvrir un groupe orléanais aux alentours de 15h-15h30 suivant le timing. Voilà, alors nous allons commencer par une question toute simple mais essentielle pour nos auditeurs qui découvrent le sujet. Allez, en une phrase, un de vous, pour nos auditeurs, découvre le sujet. C'est quoi l'hypnose? En une phrase ou deux. Tu mets ton prénom? Philippe. Philippe, présent. Alors, parmi les gens qu'on rencontre lors d'animations, de spectacles, etc., souvent les gens nous posent la question. Et on essaye d'être concis en disant que l'hypnose, c'est un état naturel que tout le monde vit plusieurs fois par jour sans forcément s'en rendre compte. Et c'est un état modifié de conscience. C'est une définition basique, mais qu'on a l'habitude d'employer, où notre conscient laisse la place à notre inconscient. Et dans cet état, la réalité laisse la place au rêve, à l'imagination. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, c'est simplement un état de très grande détente. D'accord. Ok, ben merci. Alors voilà, comme vous êtes trois, on va essayer de partager un petit peu, vous savez, comme dans les émissions politiques, on essaye de donner un petit peu un temps à chacun. N'hésitez pas à me faire si l'un ou l'autre veut reprendre la parole, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, on entend souvent parler d'hypnose de spectacle et d'hypnose thérapeutique. D'hypnose aussi de rue, donc je crois que c'est Philippe qui va répondre. Principalement, est-ce que vous pouvez nous donner les différences ? Alors, beaucoup de gens maintenant ont entendu parler de, d'hypnose dans le milieu médical et notamment dans le milieu chirurgical. On a souvent des gens qui nous citent « Oui, j'ai entendu que maintenant il y a des opérations sous hypnose ». Effectivement, il peut y avoir des opérations sous hypnose, ce qui ne remplace peut-être pas à chaque fois l'anesthésie traditionnelle, mais c'est un moyen d'aider et souvent de rassurer les personnes. Voilà. Donc, ça se passe uniquement dans un milieu médical. Ensuite, on a l'hypnose thérapeutique. Là, on ne parle pas de soins, mais d'accompagnement. Mes deux collègues ici présents, par exemple, reçoivent des personnes dans leur cabinet. Ces personnes viennent pour se libérer, d'être accompagnées parce qu'elles ont un problème à résoudre. Et là, le thérapeute va les aider à trouver les propres moyens internes pour résoudre ces problèmes. Et en ce qui nous concerne, au sein de l'association Hypnotise, où on ne fait que de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose ludique, donc l'hypnose de spectacle, comme son nom l'indique, c'est du spectacle. Alors, ça peut se passer sur une scène, lors d'un spectacle, mais on peut faire de l'hypnose de spectacle dans plein d'occasions. On en fait régulièrement dans les rues, avec l'autorisation des municipalités, bien sûr. On en fait lors de fêtes, lors de vide-greniers, dans des bars, dans des boulignes, etc. Ouais, on va en discuter un petit peu dans le... dans la profondeur, un petit peu plus loin dans l'émission, au niveau de tout ce que vous pouvez faire. Mais en général, vous pouvez faire cette hypnose spectacle de rue. Alors l'hypnose spectacle serait plus, si je comprends bien, dans une salle où là, on a un public fermé. Et après, l'hypnose de rue, c'est aussi de l'hypnose spectacle, mais qui est ouvert au public, qui est ouvert à tout le monde. Et la grosse différence, c'est que quand on fait un spectacle, les gens sont venus voir un spectacle D'accord. d'hypnose. Dans la rue, on intercepte des gens, on les accoste et on essaye de leur proposer de tester l'hypnose. D'accord. C'est un petit peu plus difficile, mais ça donne toujours de très bons résultats. Donc, eh ben écoutez, pour bien se réveiller, pour rester bien en état d'hypnose, mais les yeux ouverts, on va partir en voyage avec une personne qui nous a fait voyager pendant des années et qui s'appelle Madame Desireless. Et éternellement. bien voilà, le voyage avec Madame Désirless. Eh ben, on va vous amener avec nous en voyage. Je vois que c'est en train de filmer, c'est en train de se photographier en face. Les écouteurs, ils font de belles grimaces. Je vous dis tout, hein, mais vous inquiétez pas, il y aura des photos. Voilà. Eh bien, on va continuer donc sur ce côté de l'hypnose, en fait, hein, de ce mot qui fait un petit peu peur. Côté public, quelles sont les idées reçues que vous entendez le plus souvent? Les gens pensent qu'on dort, les gens pensent qu'on perd le contrôle, qu'on peut être manipulé. Je pense que c'est Laurent qui va répondre. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, Laurent. Eh ben ouais, en effet, c'est vrai que très souvent on rencontre des gens qui nous abordent ou qu'on aborde aussi et qui ont certaines peurs, des appréhensions. C'est souvent lié à la perte de contrôle. Oui, est-ce qu'on perd le contrôle? Eh ben, je vais vous rassurer, on rentre dans la tête de personne. Non. En fait, on invite les gens à venir dans notre monde. Ah, pas dans votre tête, dans votre monde. Non plus, ça serait un petit peu fouillis, mais bon. Alors, la peur d'être manipulé, je dirais, faut regarder un petit peu tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, la télé, la radio, enfin bon, on va pas parler de la radio, mais la télé surtout. Non, on peut aussi parler de la radio. C'est une façon de communiquer. Et est-ce qu'on se fait pas manipuler quand on communique? Bien sûr. En fait, c'est juste des échanges d'idées, on prend certaines idées qui nous plaisent. Eh bien, oui. Voilà, on vient de changer d'idée, alors on vient de se faire manipuler. Vous, dans le sens de la manipulation, il y a la parole, la voix, tandis qu'à la télé, il y a la voix, il y a les images. Il y a les images, peut-être même des images qu'on ne voit pas, qui sont passées comme ça. Oui. Le but, c'est pas tellement de savoir si on est manipulé, c'est plutôt, est-ce que je vais faire quelque chose qui va me plaire ou est-ce que je vais pas faire quelque chose que je pourrais ne pas aimer faire? Voilà. Eh bien, en fait, non. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déroule un tapis avec une histoire derrière. Si cette histoire, elle convient, on suit cette histoire. C'est un petit peu comme un audio-livre. D'accord. Si tu ouvres un livre qui te plaît, tu vas le suivre jusqu'au bout. Si le livre, dès les premières pages, ça ne te plaît pas, tu vas refermer le livre, tu vas en choisir un autre. Bien sûr. Bien, avec l'hypnose, c'est un peu comme un audio-livre. En fait, on va te raconter une histoire. Si cette histoire, elle te plaît, tu vas rester dans cette histoire. Le but, c'est de vivre une expérience. C'est de pouvoir faire en sorte que les gens ressentent les choses. D'accord. C'est comme un voyage. Comme Désirless. Voilà. C'est très bien choisi, d'ailleurs, Laurent. Je crois que c'était peut-être fait exprès. Voilà. Hein. En fait, c'est vrai que l'hypnotiseur, en fait, il fait que donner un chemin. D'accord. C'est un fil rouge que l'on écrit. Toi, enfin, ou à nous de le suivre ou de ne pas le suivre. Voilà. Si on sent qu'il y a une barrière, on va ou la sauter ou pas la passer. Voilà, oui. En fait, est-ce que je vais faire tout ce qu'il va me dire ou est-ce qu'à un moment donné, je peux me sortir de là? Eh bien, en fait, c'est très simple. Si ce que l'hypnotiseur, il te demande, ça rentre dans ta vision du monde, eh bien, tu vas pouvoir le faire parce que tu vas trouver ça cool. Ne regarde pas comme ça, Laurent. Si, je vais te regarder, mais... Tu dormiras après l'émission. J'ai encore une heure après vous. Hein. Et puis, par contre, si je te demande quelque chose qui, pour toi, paraît incongru, incohérent, quelque chose que tu n'aurais pas envie de faire, hop, machinalement, tu vas sortir du jeu. D'accord. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En fait, ce n'est pas l'hypnotiseur qui a le pouvoir, c'est vraiment la personne qui garde le pouvoir. Fabrice, petite question. Y a-t-il des profils qui sont plus réceptifs que d'autres? Alors, je dirais non. Tout le monde est réceptif, plus ou moins rapide. Voilà, simplement. C'est des choses qui sont là. Les gens y viennent quand on les aborde, que ce soit dans la rue ou sur un spectacle. Les gens y viennent nous voir. Ils sont motivés déjà parce qu'ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de savoir comment ils vont se trouver, comment ils vont se sentir. Ils vont découvrir des sensations exceptionnelles, on pourrait dire. Mais c'est chacun à sa façon, on va dire. Tout le monde y est. À un moment donné, on y est plus ou moins réceptif que d'autres. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des tests. On fait des tests pour voir si la personne elle est réceptive à l'instant T maintenant, pour pouvoir aller plus loin, rentrer après en état d'hypnose. Et ça, vous le voyez ou la personne... Enfin, vous le sentez, vous le pressentez? Non, c'est simplement... C'est de la contradiction. Il va y avoir du débat. Je dirais que c'est un petit peu au fur et à mesure de la conversation avec la personne qu'on se rend compte si la personne, elle va être dans le jeu facilement ou s'il va falloir y mettre l'effort. D'accord. Ok. Eh bien, avant d'aller plus loin dans ce questionnement et cette forme psychologique, philosophique et en même temps physique, on va aller s'évader encore un petit peu avec un morceau musical. Vous savez, il y a à peu près le temps de reposer les esprits. J'espère que vous êtes tous bien dans votre canapé, au volant de votre voiture et en même temps, pourquoi pas au bureau, hein? Voilà, on travaille, mais on écoute un petit peu aussi l'hypnose. Et je sais qu'il y a des personnes derrière qui m'ont fait un petit coucou et qui sont à l'écoute. Voilà, notamment une personne qui est dans le département 09. Ça tombe bien, c'est un département que je connais bien et c'est le numéro de l'émission. Donc, eh bien, un petit coucou à toi, Laetitia. J'ai marché sous la pluie des silences, les regards froids, les absences, le cœur battant dans le néant, comme une ombre sans présence. J'ai cru tomber dans mes blessures, à bout de souffle, sans armure, mais même au fond de l'obscurité, une étincelle n'a pas cessé. J'ai fermé les yeux pour respirer, appris à danser dans la tempête, les murs se brisent, je vois la lumière, le vent murmure, tu n'es pas seul sur la terre. Je me relève, même si tout s'effondre, je me relève, même seul dans l'ombre, je porte mes rêves comme des flammes, rien n'éteindra la lumière de mon âme, je me relève encore une fois, encore une fois. J'ai regardé mes cicatrices, comme des routes, comme des prémices. Chaque douleur m'a construite, chaque chute m'a rendue plus droite. Les mots qu'on tait, les larmes qu'on cache, deviennent force quand le temps les détache. Et dans mes yeux brille un miroir, celui d'un monde qu'il faut croire. J'ai brisé les chaînes du passé, appris à marcher sans regret. Le vent me pousse vers la lumière, je n'ai plus peur de ma propre guerre. Je me relève. Dans la vie, quand on a un genou, voire deux genoux à terre, on peut aller se faire aider par un hypnotiseur pour s'aider à se relever. Quand on a aussi des problèmes de santé ou autre. Ou alors, non, mais même avec ton stylo, tu n'arriveras pas à m'endormir, je te promets, Laurent, depuis tout à l'heure. Il essaye. Mais non, je ne suis pas réceptif aujourd'hui. Voilà. Avec vous, on va aller plancher du côté des thérapeutes un petit peu. Dans quel cas est-ce utile Par exemple, on le disait, pour se relever, la gestion de la douleur, le stress, les addictions, le sommeil. Fabrice ou Laurent? Eh ben c'était moi, c'était le stylo, c'était pour te faire voir que c'était moi qui parlais. Ah d'accord, je croyais que tu voulais m'endormir, je le voyais. Tout à l'heure. Eh ben ouais, là, cet après-midi, on est deux hypnotiseurs qui faisons également de la thérapie. Et ben, en effet, c'est super utile. Et même quelquefois, on en fait même sans le savoir. Il faut savoir que l'élément le plus fréquent, c'est le tabac, le poids, le stress, les phobies, la gestion de la douleur, oui, les allergies. Eh oui, quoi qu'on en dise, c'est pas que du médical. Les allergies, c'est une réaction qui est surdimensionnée par rapport à quelque chose qui n'a pas lieu de... C'est physiologique aussi, hein, c'est le côté... C'est le corps qui réagit, voilà, bien sûr. Mais c'est le cerveau qui dirige. Voilà. Après, Philippe ? Tu entends, Philippe, ce qu'il dit ? Si tu sais pas pour le problème que tu m'as dit tout à l'heure, que tu avais, tu peux aller voir. Je connais deux excellents thérapeutes dans l'hypnose. Je les connais aussi. Les traumas. Il y a énormément de thérapeutes qui sont allés voir quand il y a eu Charlie Hebdo, etc. Quand il y a eu... Bien sûr. Ils ont participé à ce genre de choses pour aider pour le sommeil, pour le vertige. Les gens qui ont le vertige aussi, ça peut aider énormément. La peur de l'avion ? La peur de l'avion, oui. Il y a des programmes qui sont faits pour ça, pour justement... Mais n'ayez pas peur avec moi, vous risquez rien. Non, ça va. On est en confiance. La confiance en soi, justement, oui. Et puis, la liste, elle serait trop longue. Il manquerait encore... En gros, ça touche tout ce que le cerveau, il peut créer comme blocage. D'accord. En fait, il faut savoir que constamment, on est en train de modifier notre façon de penser, notre façon de réagir. Bien sûr. Et on est capable d'aller vers l'avant et on est capable de s'arrêter juste d'un claquement de doigts. Et c'est le cerveau, c'est une belle machine, mais des fois, elle fait ce qu'elle a envie. Et puis, des fois, on est bloqué. Elle peut bugger aussi. Elle peut bugger. C'est pas obligatoirement un bug, pas c'est sûrement juste une réaction par rapport à une situation donnée. Et puis, cette situation, quand elle est terminée, le cerveau, il est resté en mode d'alerte. D'accord. Et puis, voilà, quoi. Donc, oui, je te disais tout à l'heure qu'on en fait aussi des fois sans le savoir. C'est une forme d'autoconviction. C'est un petit peu comme de ce qu'on appelle un peu de l'auto-hypnose. Tu sais, quand... Par exemple, j'ai une idée comme ça, par exemple, à une personne qui a l'habitude de faire des marathons. On sait que c'est 42 km, c'est quand même loin. Ça fait beaucoup 180 quelque chose. Ça fait quand même pas mal de... mal de pas. Hein. Et on sait très bien qu'à partir du, entre 30 et 35 km, même si on a l'habitude, on est rincé et on n'a plus de jus. Là, il y a que deux possibilités. Soit on continue, soit on s'arrête. Et là, c'est le mental qui prend le relais. C'est soit on se met dans le mental, et là, c'est de l'auto-hypnose. C'est je suis capable de le faire. J'ai bien fait les trois quarts du truc, donc je suis capable de faire le reste. Ou alors... On se met en mode malveillant. C'est des mantras un petit peu. C'est un peu comme des mantras, oui. D'accord. Et ça nous permet de pouvoir aller au-delà de ce que le cerveau nous dit comme alerte. Ça nous permet de s'auto-hypnotiser pour aller plus loin. Alors, tu parles de marathon. J'ai couru un petit peu dans un âge un petit peu plus jeune. Moi, je faisais du semi-marathon en sélection nationale à l'armée. Déjà, c'était un petit peu plus die-die, mais on a le cerveau, certes, mais si les jambes ont du mal à suivre, ça peut couper aussi. Après, on le revoit aussi dans des personnes qui vont dans des efforts au-dessus du naturel, on va dire. Oui. Est-ce qu'ils ont des préparations de par hypnose à oui, ce niveau-là? Oui, oui, il y a genre, énormément je crois, de grands faire sportifs. Il y a énormément de grands sportifs qui utilisent l'hypnose pour justement performer. D'accord. On parle de visualisation. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, tiens, je pense à la PAF, la Patrouille de France. Tu les vois de temps en temps, tu as des petites démonstrations, ils sont tous assis sur un fauteuil et ils sont là en train de faire des mouvements avec les mains. Et ils sont en train de visualiser l'exercice qu'ils vont réaliser en l'air. D'accord. En fait, ça, c'est un exercice d'auto-hypnose. D'accord. Ça, oui, c'est tout à fait... ça peut se faire soit par la gestuelle... Les deux. Mais c'est essentiellement mental. Pardon ? C'est essentiellement mental. Après, si ça demande à faire des gestes, eh ben les gestes, ils vont suivre. C'est comme la personne qui va se projeter. Moi, je parle dans le milieu du spectacle, sur scène, des chanteurs, enfin des artistes ou autres, qui vont se projeter sur la scène. Déjà, ils sont derrière le rideau ou dans leur cabine, j'allais dire. Dans leur loge même. Dans leur loge. Et voilà, ils se préparent. C'est de l'auto-hypnose, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un état modifié de notre conscience habituelle, comme le disait Philippe tout à l'heure. J'aime bien, excuse-moi Philippe, mais je vous décris la scène, ils sont en train de parler, ils se regardent, et puis j'ai le président qui lève le doigt, et moi, monsieur, s'il vous plaît, mais je t'en prie. Tout à l'heure, Laurent parlait de performance physique. Moi, je vais citer un exemple. Il y a 2-3 ans, lors d'un spectacle, j'avais 8 personnes sur scène et j'avais un gars très costaud, très baraqué, grand baraqué, vraiment l'aspect sportif. Et dans mon spectacle, il y avait un cours de gymnastique et j'ai demandé à ce gars, qui paraissait très, très physique, de faire des pompes. Et il m'a simplement dit, je lui ai posé la question, tu sais faire des pompes? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, combien tu fais de pompes maximum? Il m'a dit 15. J'étais surpris vu sa carrure. Et donc il était en état d'hypnose, il suivait très bien le spectacle et je lui dis à partir de maintenant, tu as plus de limites pour faire les pompes. Et au bout de 35 pompes, je lui dis c'est bon, tu peux arrêter parce qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Le poste est devenu un shadow, il pompait. Ouais. D'accord. Ok. Bah voilà des exemples qui sont concrets, enfin qui sont c'est du vécu et c'est bien de pouvoir. Donc après ça fait aussi partie de l'hypnose et qu'on peut après travailler dans le côté. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, encore un autre exemple où il y a certains sports où on utilise énormément le mental. Et là je fais un petit coucou au club d'apnée d'Orléans, l'apnée, on utilise essentiellement le mental. C'est une bonne idée d'émission, tiens, on en reparlera tout à l'heure. Ah bah écoute, préparation. Fred, oui. Si tu m'entends, tu pourras prendre contact avec Didier, je veux faire une émission avec toi. Donc oui, l'hypnose, et puis par exemple l'apnée, où on se met vraiment dans notre mental et on dépasse les limites corporelles. Bien sûr. Enfin, okay. On dépasse les limites, on performe. On performe. Ouais. Dans quel cas, mais aussi, quelle est la population de patients potentiels? Alors là, je dirais qu'il y a toutes sortes de publics. Il y a, toutes les pathologies que je t'ai citées tout à l'heure, la personne qui veut arrêter de fumer, c'est pas qu'une catégorie socio-professionnelle qui fume. Tout le monde a cette capacité, mais ce défaut, et puis de temps en temps, ils ont envie de s'en libérer. Il y a des personnes qui y arrivent seules, c'est très bien. J'ai pour habitude de dire que la meilleure des méthodes, c'est celle qui fonctionne pour soi. Oui. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, il y a beaucoup de méthodes qui existent. L'hypnose en fait partie. Et bien sûr, je dirais, par exemple, pour le tabac, le taux de réussite est à peu près de 70% avec l'hypnose. Alors qu'avec toutes les autres méthodes, médicamenteuses ou alors juste la volonté, on est en deçà des 50%. Pour arrêter le tabac ? Pour arrêter le tabac. Donc je suis en dessous des 50%, moi, mais j'ai arrêté net. Voilà, tu vois. Je crois que le médecin, le chirurgien que j'ai reçu, il m'a net hypnotisé en disant stop. Oui, il t'a dit qu'il faut. Voilà, il y a eu une prise de conscience qui a fait que. Avec l'hypnose, oui, on peut prendre des consciences. Ceci dit, je m'en rappellerai toujours, c'était en 1995, c'était un vendredi. C'est du réel, c'est du vécu. Je n'ai pas retouché une seule cigarette depuis ce jour-là. Okay. Mon épouse peut en témoigner. Madame, si tu m'entends, tu peux téléphoner. Non, elle est au boulot, elle peut pas. Mais il m'a fait une image un petit peu pas subliminale, mais il m'a donné une image. Voilà. Parce que moi, je dis attendez, arrêtez de fumer comme ça. Et en fait, pour tout dire, je commençais à faire une. Alors, je sais plus le terme exact, mais je commençais à faire une allergie du tabac dans le sang. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'hommes qui l'ont, ça. Beaucoup d'hommes fumeurs, alors, plus ou moins élevés. Moi, c'était assez élevé. Et il m'a dit voilà, vous imaginez. Alors tout de suite, l'imagine, on fait rentrer le subconscient, le conscient, je veux dire. Imaginez-vous la place de la Concorde, Paris, Orléans, Paris 17h, je vous mets un bandeau sur les yeux, si vous continuez à fumer, je vous mets un bandeau sur les yeux, vous traversez cette place avec le bandeau sur les yeux, combien vous avez de chances d'arriver en face sans vous faire écraser? Cette phrase, Pour moi, elle a été catégorique. Je me suis vu avec ma dernière cigarette sur mon balcon. J'ai éteint la cigarette. Je n'ai plus jamais retouché une cigarette. Alors, est-ce que... Ben, ça tombe bien que tu dises ça comme ça, parce que c'est une expérience que tu t'es fait toi-même. C'est une expérience d'auto-hypnose, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on cherche à obtenir dans une séance thérapeutique. C'est à ce que la personne y ait un déclic. Et c'est ce déclic-là qui va déclencher les comportements derrière. D'accord. Alors après, je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde. Moi, je sais que ça a fonctionné sur moi, et je le dis ouvertement et sincèrement. C'est une histoire vécue, et j'en suis fier. Et je n'ai jamais touché une clope. Je sais que si jamais je remettais une à la bouche, ça repartirait. Mais voilà, il a eu l'idée, le truc de me... Il a eu l'idée de déclencher la petite chose, et puis toi, t'as eu l'instinct de visualiser. Ah ouais, tout de suite. Ça a été mais tout de suite. Voilà. Hein. Une petite question pour Fabrice, parce qu'on l'entend pas beaucoup. Est-ce que l'hypnothérapie est une bonne orientation pour tout le monde? Tout à fait. Alors l'hypnose, déjà quand on va préparer une séance, quand la personne vient nous voir ou elle nous appelle, déjà simplement, elle va nous appeler, c'est là que ça va démarrer. Parce que la personne, elle appelle, elle commence à se sentir, c'est elle qui commence déjà à prendre les dessus, parce qu'elle a envie. Elle a envie d'avoir un changement, elle a envie d'avoir une amélioration, que ce soit pour la santé ou vice-versa, ça peut être pour le tabac, comme là vous venez de parler pour le tabac. Hein. Et ça oblige déjà, à formuler la demande. Déjà, la personne, elle va commencer à se lâcher un petit peu, elle va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle a besoin, pour que nous, on puisse, comme ça, de notre côté... Cibler, préparer les choses. Et puis... La séance, ça va se dérouler au cabinet ou chez le client. D'accord. Ça arrive aussi, parce que des fois, on se déplace. Oui, parce que des fois, il y a des personnes peut-être qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons médicales ou pour des raisons... Ou en visio, parce qu'on fait aussi, en visio. J'ai été formé par rapport à ça. Et puis, j'ai des très, très bons résultats en visio aussi. D'accord. Et puis, on commence à discuter avec la personne quand on est face à elle, quand elle nous vient nous voir à ce moment-là. Et puis, on va parler de qu'est-ce qu'elle a besoin, son problème... Voilà. Et à partir de là, il y a des souhaits que la personne, elle a envie. Elle a envie, moi, je voudrais ça, je voudrais ceci, je voudrais cela, que ce soit pour le poids ou quoi que ce soit. Alors, on lui dit, on va y expliquer que il y a des différentes étapes à faire, simplement. Et puis, au moment où que la personne, elle est prête, on va commencer, après, on va la mettre en état d'hypnose. Simplement. Alors, généralement, on est dans une atmosphère, on est dans le cabinet, c'est calme. Alors, il y en a des fois qui mettent de la musique, ou sinon, on ne met pas de musique. Puis, en fin de compte, c'est un état où que la personne, elle va se sentir bien. Elle va se sentir rassurée. C'est surtout ça. Et puis, après, on va lui faire vivre des options. Des options qu'elle imagine, des images. On va l'envoyer au bord de la mer, à la montagne, pour pouvoir l'emmener. Gratuitement ? Il paye leur billet ou... Tout à fait, c'est gratuit. Pour le sort de la musique, j'ai justement une question là, mais ça sera un petit peu plus tard si on a le temps, de la part d'un auditeur, d'une personne qui m'a contacté par mail et qui était curieux à ce niveau-là. Et puis la personne, on la met sous hypnose et après on va commencer à travailler le problème qu'on va mettre en application. Alors des fois, c'est une seule séance suffit, des fois il faut plusieurs séances, c'est simplement comment l'inconscient va réagir de la personne. Et puis après, tout doucement, on va la ramener à la fin de la séance, une séance qui dure en moyenne une heure et demie, suivant ce qu'on va travailler. Puis la personne, on va la ramener tranquillement au monde réel, ici et maintenant, comme on dit dans notre jargon. Voilà. Et souvent, il y a des questions que les gens ils nous posent, c'est « a-t-on besoin de plusieurs séances ?» Quand moi, je vois la personne, quand on discute au début de la séance... on discute. Alors, suivant le problème à traiter, des fois, il faut plusieurs séances, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait en une seule séance. Et les gens sont surpris, surtout sur les phobies. Les phobies, des fois, il y a des clients qui viennent me voir et me disent « Il y a 20 ans que j'ai peur des souris, j'ai peur des araignées. » Et en une séance d'une heure, ça a disparu. Alors que ça fait 20 ans que la personne souffre, elle monte sur la table, elle saute au plafond. Voilà, tellement. Oui. Laurent, tu as quelque chose à dire ? J'aimerais rajouter un petit truc, c'est que lors d'une séance, on va débloquer certaines choses. Et il peut se passer d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets secondaires bénéfiques. Moi, j'ai pour souvenir une personne qui était venue me voir pour un problème de sommeil. Et puis 15 jours après, elle me rappelle, elle me dit, mais je t'avais parlé. Elle dormait tout le temps. Non, elle me contacte et puis elle me dit, est-ce que je t'avais parlé de mon problème de bruxisme? Le bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on grince des dents. Ah oui, exact. Et on se défonce les dents, quoi. Tu empêches la personne, si t'as une personne à côté. Tu m'en avais pas parlé du tout, et elle me dit, ça y est, c'est terminé, depuis que tu m'as fait cette séance, je n'ai plus de bruxisme. Ça fait partie des effets secondaires bénéfiques. Ok, et avant de... Oui, tu voulais rajouter? Non. Non, c'est bon. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, on va partir sur une petite séance. Juste après, j'ai la question qui m'est posée. Je vais revenir dessus au niveau de la musique parce que c'est vrai que cette question par mail m'a interpellé et je connais bien la personne qui l'a posée, qui me l'a écrit parce qu'il pouvait pas écouter l'émission aujourd'hui. Donc sur le podcast qui sera prochainement, c'est un petit peu dur à poser. Donc il m'a dit Didier, s'il te plaît. Voire même à la limite, s'il a envie de nous contacter après parce que il a pas eu satisfaction sur la réponse, ça peut arriver. Mais il peut toujours nous contacter après. Mais je pense que vous allez répondre comme il faut. J'espère du moins. Still commitments fall out. Ils sont bavards. Ils ont pas vu que les micros étaient ouverts, donc on entend un petit peu. Mais c'est vrai que ben, pour les trois, c'est leur première émission radio. En plus, elle est costaud, elle est 2 heures. Donc c'est pas 3 minutes. Hein, et c'est pas enregistré, c'est du live. Donc voilà, c'est humain. Et voilà, il a fallu leur faire un petit rappel là, de tirage d'oreille par le biais du fou. Voilà, mais c'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie, bien évidemment. Alors, ma question, elle va revenir, bien sûr, je pense à un thérapeute qui pourra me répondre, parce que pour le reste, on verra avec Philippe. Comment assurez-vous la sécurité de vos patients face à des stimuli sonores? Utilisez-vous la musique? Et existe-t-il un protocole pour éviter qu'une musique ne devienne un déclencheur négatif? Question d'un auditeur. Alors, je dirais que un déclencheur négatif, le cerveau, il connaît pas le négatif. Ah. Pour lui, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. C'est une machine. Ça lui dit, tu fais ça, il fait ça. D'accord. Donc, c'est pour ça, un déclencheur, on appelle ça un ancrage. Mais ça peut être un ancrage sur un son, sur une musique, sur un événement, sur une température, sur une lumière, ça peut être n'importe quoi. On connaît tous la Madeleine de Proust. Non, moi je la connais pas. Quand il se promenait, puis il passait devant la boulangerie, pâtisserie, et puis il sentait l'odeur de cette Madeleine, crac, tout de suite ça lui ramenait en mémoire les souvenirs de sa grand-mère qui faisait les Madeleines. Donc ça c'est un ancrage, et ça c'est olfactif. Mais pour certaines personnes, se souvenir de sa grand-mère, ça peut être positif. Pour d'autres, ça peut être négatif. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de positif ou de négatif. Je pensais, enfin, dans ma question, je l'ai peut-être mal posée ou mal donnée. En fait, quand vous êtes en séance de psycho, enfin de thérapie, d'hypnothérapie, une personne, vous allez lui mettre de la musique, mais il a peut-être des antécédents. Enfin, pas systématiquement, mais il a peut-être des antécédents, je sais pas, moi je vais dire d'une personne qui a failli se noyer, et je prends une image, hein, comme ça qui me vient à la tête, une personne qui a failli se noyer, et puis dans la préparation, vous lui envoyez pour le mettre en condition, vous lui envoyez une musique de fond, comme on peut voir en méditation, un petit peu, tu vois, et la personne, au contraire, c'est ça que je dis dans le côté négatif, ça peut la faire basculer. Ma question, elle est dans ce sens-là, en fait. D'accord, donc en fait, c'est pas obligatoirement un son. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. C'est pas obligatoirement un son, c'est plutôt une suggestion qu'on va lui faire. Par exemple, on peut très bien faire la même chose sans mettre des bruits d'eau. En lui disant, tu vas te détendre parce que t'es bien allongé dans l'eau, sur la plage. Et là, si la personne a une phobie de l'eau, ça va pas lui plaire obligatoirement. Et pourtant, on n'aura pas mis de musique d'eau qui coule. Bien sûr, aussi. Oui, donc, c'est surtout ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est chercher chez la personne ce qui va ne pas déclencher justement tous ces trucs-là. C'est par exemple, on va prendre la phobie de l'eau, puisqu'on parlait de l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener de l'eau, mais progressivement. On ne va pas lui dire, écoute, pour que tu n'aies plus peur de l'eau, on va te mettre directement dans le grand bain, dans ta papier, c'est pas grave. Tu vas prendre l'apnée, c'est ça? Ça ne va pas être top top. Donc on va amener de l'eau progressivement jusqu'à la limite du confort. Et puis on va repousser cette limite jusqu'à ce que la personne elle puisse être dans l'eau sans être inquiète. D'accord. En fait, c'est ça le truc. Ok. Donc là, on va passer sur le côté de Monsieur le Président Philippe. C'est bien ça, c'est Philippe. Hein. Alors Philippe. C'est ça, ouais. Lolo. Donc il est hypnotiseur de rue, de spectacle. Plutôt okay. Spectacle. On a Laurent. Alors spectacle, donc c'est en plus en salle. Oui. Hein, on est bien d'accord. Laurent, alors Philippe, tu es le président de l'association qui s'appelle Hypnotise. D'accord. Vous êtes basé sur Orléans ou la région, je pense. Hein, Orléans, c'est ça. Ok. Donc après, il y a Laurent qui est. Je suis thérapeute, hypnose de spectacle, hypnose de rue. D'accord. Voilà. Et Fabrice, est aussi. Qui fait l'hypnose voilà, de simplement spectacle, pour voilà. Rappeler, vous êtes voilà. Toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2. Il est pas loin de 15h. Le temps passe vite, ça fait déjà une heure. 96.2, Radio Arc-en-Ciel, c'est Didier & Co. Et on continue donc avec nos invités. Et juste avant de vous poser la question suivante, je vais vous faire découvrir un petit groupe. Enfin, quand je dis petit, c'est pas péjoratif. C'est un groupe... Alors, c'est un groupe orléanais, enfin de la région d'Orléans. Vous les avez peut-être déjà rencontrés. Alors, ce sont des jeunes déjà. Ils sont punk, mais ce sont des punks à bretelles. Ils composent. Moi, j'ai eu l'occasion de les écouter, de les voir et de les diffuser dans des lieux que j'organise de temps en temps. Et je vais vous, je sais pas, peut-être que vous les connaissez. Je vais vous laisser couvrir et puis je vous donnerai simplement leur nom après. Ça tombe bien, c'est un dimanche matin. J'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. J'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Mon voisin de palier, celui qui gueule quand je chante, se pose dans sa télé, ses émissions bandantes. Avec sa colombour, à ce qu'il vend téléfoot, il vit comme un sourd quand son équipe déroute. Dans ce temps, sa femme passe la serpillière et son mari en femme lui redemande la bière. À la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Les gueux du rez-de-chaussée qui sortent leur petit chien avant de partir prier, bien sûr, la 31. Envers la cathédrale, un petit peu après l'autre, écouter des morales et être bon apôtre. Fermant les yeux pour pas voir la misère d'un homme si bon qui se nourrit pas de prière. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, là on va passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Ça m'amuse un moment de voir ces tranches de vie. Petite voix me dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors avec ce temps? Reviens vite te coucher sous la couette, je t'attends. Sans vraiment hésiter, je retourne au lit pour vraiment profiter sans penser à lundi. Oh, le dimanche matin, mon café à la main, j'aime voir de mon balcon, non, pas passer les cons. Et le dimanche matin, j'aime voir mes voisins debout sur mon balcon, j'observe ce qu'ils font. Eh bien voilà, c'était la tournée du Baron, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un petit groupe bien sympathique. Ce sont des jeunes qui composent et que, croyez-moi, quand ils sont sur scène, ça envoie du lourd, ça envoie bien. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Vous savez que dans cette émission, dans Didier & Co, bah, j'aime bien faire découvrir un petit peu les artistes locaux, comme le fait Albino, Mavrika, le vendredi soir, ici même, dans cette même station. Et donc, comme c'est mon parrain, bah, je lui fais un petit clin d'œil à chaque fois et je lui fais découvrir. Enfin, je lui fais découvrir. Il me donne des morceaux pour que je les fasse découvrir à un autre horaire. Enfin, je veux dire à un autre horaire pour les gens qui sont là la journée. Le Mavrika, c'est le vendredi soir à 19h sur 96.2 et ça sera demain soir avec un invité, je crois, qui vient de la région de Paris. Voilà, tout ça c'est dit. On va passer du côté de l'hypnose de rue un petit peu dans le côté. Alors, dans la salle, c'est un petit peu différent. Hein. Mais par rapport à des tu voulais dire quelque chose, Philippe? T'avais quelque chose à dire? Non, j'ai vu que tu me faisais signe tout à l'heure. Non, je veux bien parler de l'hypnose de rue. Voilà, bon, voilà, ok. Parce que j'essaye de pour pas me faire attaquer par le CSA ou quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, c'est pas de la politique. Donc, même si c'est pas égal au niveau du temps de réponse, on fait au mieux. Voilà, toujours, sur Arc-en-Ciel à 15h, combien? Ouais, allez, il y a une pendule qui me dit 14h58, 15h02, 00. Donc, voilà, on est à peu près dans le timing. Du côté de l'hypnotiseur de rue, comment gères-tu la sécurité émotionnelle de tes sujets ou du sujet, alors que tu n'as aucun contrôle sur l'environnement du sonore extérieur? Je parle par exemple, tu es sur les bords de Quai de Loire, hein, ça c'est déjà arrivé. Vous êtes dans une séance de rue, vous faites une animation avec l'accord de la mairie et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, hein, lors d'un événement ou pas. Et là, vous êtes en train de travailler, enfin, vous êtes plusieurs. Vous êtes en train de travailler sur des sujets différents et tout d'un coup, bah, il y a Toto qui passe avec sa mobilette. Bah, vous voyez ce que je expliquais. Et là, justement, on parlait tout à l'heure du côté pour le gars qui a une phobie ou qui a peur de l'eau en hypnose, je veux dire, thérapeutique. Mais là, ça peut être quelqu'un qui va être en séance d'hypnose, qui va être déjà bien avancé et a peur de la mobilette parce que soit il est tombé quand il était gamin ou soit il s'est fait renverser par une mobilette. Voilà, c'était une question qui était plus dans le côté rue. Sonore, rue, tout ce qu'il peut y avoir, ça peut être ça, ça peut être un gamin qui crie, ça peut être plein de choses. On a souvent le cas lorsqu'on fait de l'hypnose de rue, notamment sur les quais de la Loire, où il y a des motos, il y a des quads, ça se passe le samedi après-midi, souvent on a des convois de mariage, etc. Ça pourrait perturber, notamment en début de séance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bruit, il dure pas très longtemps. Et si on est en train de travailler avec une personne, qu'on l'a emmené confortablement en état d'hypnose, il suffit de lui suggérer que tous les bruits extérieurs n'existent plus. On lui demande de se concentrer sur notre voix. Et à partir du moment où on lui a dit qu'elle n'entend plus les sons extérieurs, elle les oublie. Et je vais citer un exemple. Il y a pas mal d'années, on était sur une fête lors d'un événement caritatif. Et mon ami Laurent, là, qui est à côté de moi, a fait une hypnose sur une personne. Et d'un seul coup, il y a la fanfare municipale qui a démarré à côté. Ouais, et Laurent a suggéré... Elle était à 10 mètres. Tu les as tous arrêtés. Malheureusement, ils ne sont pas arrêtés. Mais il a suggéré à cette personne qu'elle n'entendait plus la musique, elle n'entendait que le son de sa voix. Et il a pu continuer sa séance sans aucun problème. Ce qui était assez marrant, c'est que même moi, je n'entendais même pas le bruit de ma voix, tellement la musique de la fanfare était forte. Elle sent fort, hein. Et là, je ne parlais pas plus fort non plus pour ça, je me disais, ça ne sert à rien. Et en fait, la jeune fille, elle s'était concentrée sur ma voix, et elle n'entendait que ma voix. Et à la fin de la séance, je lui ai demandé si justement la fanfare ne l'avait pas dérangée. Quelle fanfare? Elle m'a regardé avec des yeux ronds, des yeux ébahis. Elle me dit, mais quelle fanfare? Elle ne s'était même pas rendue compte qu'il y avait eu une fanfare. Ok. Ouais, parce que tu viens de me faire voir la photo à travers la vitre, là. Et c'est vrai que t'as un de tes collègues qui t'a pris à ce moment-là, c'est très bien. Oui, Fabrice, je vois qu'à chaque fois... Mais voilà. Ils me font peur. À chaque fois, ils lèvent le stylo, mais je vais commencer à loucher. Tout va bien se passer. Simplement, par rapport au bruit, ça arrive aussi que le bruit, on va le rentrer dans la personne, on va lui dire, plus tu entends la fanfare, plus tu entends la batterie, plus tu entends les trompettes, et ben plus tu vas dormir encore beaucoup plus profondément. En fin de compte, on va associer le bruit à la séance, et la personne, ça va pas la gêner, elle va continuer à avancer, elle va rentrer directement beaucoup plus profondément, on va se servir du bruit pour avancer dans une séance d'hypnose, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. Alors, là, je vais aller... Tu voulais, non? Vas-y. On pourrait aborder... J'ai plein de questions à aborder. Hein. Le déroulement d'une séance d'hypnose de rue. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans la rue, dans une fête, un vide-grenier, etc., on voit des gens, mais qui ne sont pas venus pour se faire hypnotiser. Et pour nous, c'est un petit peu la difficulté, mais d'un autre côté, c'est une très très bonne école. C'est-à-dire qu'il faut accoster les gens. Des gens qui sont venus pour se promener. il faut les accoster. Commencer à parler avec eux. Et ça, c'est très difficile d'accoster des gens dans la rue. Il y a toujours une espèce de crainte qu'on essaye de leur vendre quelque chose ou de leur soutirer quelque chose. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on apprend en formation, c'est déjà aborder les gens. Commencer à parler. Et en plus de parler de quelque chose qui est quand même un petit peu spécial aux yeux du grand public, l'hypnose. Et ce qu'il faut, c'est commencer tout doucement à démystifier l'hypnose en leur expliquant que c'est un état naturel, comme on disait tout à l'heure, qu'ils le font plusieurs fois par jour sans s'en apercevoir, et on pourrait citer pas mal d'exemples, et jusqu'au moment où on va les intéresser. Donc on a démystifié l'hypnose, on a intéressé les gens, et il faut leur donner envie d'essayer. Et à ce moment-là, on va leur proposer, dans un premier temps, des petits tests de réceptivité. Parce que souvent, les gens se posent la question, nous, on leur pose, est-ce que tu es réceptif ? Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu penses être réceptif à l'hypnose ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Eh bien, c'est l'occasion, on est là pour répondre à cette question. Et à partir du moment où on a mis cette personne dans un état de confiance, on va lui faire des petits tests. Pendant ces tests, on va beaucoup observer, notamment des petits signes physiques. Quand on a une personne qui commence à nous fixer dans les yeux, à faire abstraction un petit peu de tout ce qui se passe autour, parfois on a même le corps qui commence à chanceler tout doucement. Ce sont des signes qui nous prouvent que cette personne est bien réceptive. Et à l'issue de deux ou trois tests qui prennent quelques minutes, on va demander à la personne si elle veut aller plus loin. Voilà. On ne met pas une personne en état d'hypnose contre sa volonté. On lui propose, vu qu'elle est bien réceptive, d'aller plus loin. Et là, on va l'emmener d'une manière assez rapide. Ça, c'est le propre de l'hypnose de spectacle. En quelques secondes, on va renforcer, on va amplifier ce qu'on appelle cette transe hypnotique. Alors, en hypnose de spectacle, c'est d'une manière rapide. Quelques secondes, un claquement de doigts et on met la personne dans un état d'hypnose profond. Donc, ça peut être allongé, comme on voit souvent dans les spectacles et comme on le fait aussi, mais on peut être hypnotisé debout. On peut être hypnotisé assis sur une chaise, sur le rebord d'un muret. Et à la fin d'une séance, souvent les gens nous disent « c'est bizarre, j'entendais tout, je voyais tout ». Ben effectivement, en état d'hypnose, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne dort pas. Et les gens sont surpris d'avoir vécu des petites histoires, un petit scénario, alors qu'ils étaient debout, qu'ils nous voyaient, qu'ils nous entendaient. Et nous, on leur dit tout simplement, ben, effectivement, on ne dort pas en état d'hypnose, parce que si tu dormais, ben, j'aurais rien pu faire. D'accord, ok. Là, ça va plutôt être sur les thérapeutes. Une séance d'hypnothérapie, c'est bien sûr entre un thérapeute et un patient dans un endroit à huis clos, enfin quelque chose qui est fermé, qui est clos, où normalement il y a juste le praticien et le patient. C'est un patient chez vous, c'est appelé un patient. C'est un client. C'est un client. D'accord. Le mot patient est réservé au monde médical. D'accord. Là, voilà, quelque chose que je saurais au moins, que j'aurais appris dans Didienko, on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet-là, en aparté, simplement pour faire, si vous voulez savoir un petit peu sur le son, sur tout ce qui est ingé du son, l'ingénierie du son, comment ça se passe et tout ça, parce qu'on parle un petit peu de musique, je recevrai jeudi prochain à votre place, il y aura un ingénieur du son qui s'appelle Sylvain, son prénom c'est Sylvain, donc, et il sera là et il va venir nous parler de son métier d'ingénieur du son. Au niveau live, donc direct, et c'est pas des moindres, il est ingénieur du son au Philharmonique de Paris. Donc il va venir nous parler un petit peu du son, j'en profitais puisqu'on était dans le côté du son. Là, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus, je vais pas dire sérieux, parce que le son c'est très sérieux dans la vie à tous les niveaux. Sylvain, je te remercie d'avoir répondu présent pour venir et je vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui dans le neuvième vol de Didier & Co. Une séance donc d'hypnothérapie, c'est dans un lieu huis clos, je le disais bien. Et parmi toutes les questions, avec tout ce que l'on entend sur les drogues du violeur, le style GHB, le GBL, est-ce sécurisant pour une personne de consulter en cabinet clos ? Mais vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus inquiétant qu'ailleurs. Maintenant, je me dis une seule chose, c'est que, comme pour les enfants, par exemple, eh ben, on l'emmène chez le médecin, eh ben, la maman ou le papa, ben, il est dans le cabinet. Eh ben, chez un thérapeute, on peut faire exactement la même chose. Il peut y avoir une tierce personne qui accompagne. Il peut y avoir autant de personnes, enfin autant, ça dépend, faut pas une fanfare. Voilà, on peut être accompagné si on ne se sent pas rassuré. Voilà. Je dirais que la première des choses pour qu'une séance d'hypnose se passe bien, il faut déjà avoir confiance dans le thérapeute. D'accord. Et déjà, ça se passe déjà à la prise de rendez-vous. Quand tu appelles le rendez-vous, quand tu appelles au téléphone et que bah déjà, dès les premiers mots, la personne, tu sens que c'est bizarre, que ça ne matche pas, bah faut pas aller plus loin d'entrée de jeu. Même D'accord. s'il a un super carnet, que c'est difficile de l'avoir parce que c'est soi-disant le meilleur, si ça ne matche pas avec toi, ne cherche pas plus loin. Je ne pense pas que dans ce milieu, enfin comme dans beaucoup de milieux, il n'y ait pas de meilleur, il n'y a que seulement des praticiens ou autres différents relations, et des c'est approches. C'est une relation confiance que tu peux avoir avec un... Voilà, il y aura du feeling qui passera plus avec l'un ou avec l'autre, suivant. Et peut-être que moi, si je viens te voir un jour pour un problème, peut-être que tu échoueras et peut-être que j'irai voir Fabrice et que lui réussira parce qu'il n'a pas employé les mêmes techniques et vice-versa. Je te le dirai alors. Moi, ça m'est arrivé une fois, tiens, c'était encore pour un sommeil. Une personne qui était venue me voir en me disant, j'ai été voir machin, pourtant quelqu'un de très connu. Et puis, elle m'a dit, ça n'a rien fait du tout. D'accord. J'ai fait, écoute. J'ai une petite question qui vient de m'arriver en MP, là, je vais essayer de ne pas l'oublier, donc okay. Comme je ne l'ai pas noté. Je fais rapide, après tu l'as. Vas-y. Et puis, dans la foulée, j'ai fait, écoute, qu'est-ce qui te plairait quand tu dors? Il y aurait ça. Quelle sensation tu aimerais avoir? Ok, mets-toi dans cette sensation. Fais trois vœux et... Non, c'est demander à la personne d'imaginer ce qu'elle veut ressentir. D'accord. Et puis, une fois qu'elle l'a bien matché, ça, elle s'en sert. D'accord. Si la personne, tu lui demandes et puis que ça, elle n'y arrive pas, malheureusement, elle ne pourra pas se raccrocher à quoi que ce soit. D'accord. Si par contre elle arrive à visualiser, à sentir une sensation qu'elle recherche, elle s'appuiera là-dessus et ça fonctionnera. D'accord. Donc c'était quoi ta question là? Il faut que je rallume mon téléphone parce que ça m'est sorti. Comme mon téléphone, il est comment dirais-je un petit peu vide. Donc il faut justement que je revienne un petit peu en arrière et je vais retrouver le fil de la question. Question, c'était comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon thérapeute en gros? Oui, c'était ça, ouais. La première des choses, il faut d'abord avoir confiance. Il faut que le thérapeute, il te demande quelle est ta problématique. S'il dit oui tout de suite, sans connaître ta problématique, comment tu peux savoir que le thérapeute, il va être capable de faire quelque chose pour toi? Ça y est, j'ai retrouvé la question. Vous est-il déjà arrivé lors d'une promenade dans un lieu que vous ne connaissez pas, vous êtes en urgence, en vacances ou autre, de voir certains de vos collègues qui font la même chose un petit peu, parce que ça se fait pas qu'à Orléans, de vous prêter au jeu et de faire la personne qui n'est... Je vois que Philippe, il rigole, de vous prêter au jeu et de dire tiens, je vais le tester, je vais voir. Est-ce que c'est oui réalisable? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, on connaît quand même pas mal d'hypnotiseurs. On fait partie d'une ligue en France qui s'appelle la Ligue des hypnotiseurs. D'accord. Aussi bien spectacle, animation que thérapie. On est plus de 1200 ou 1300 actuellement. Et donc, on connaît du monde. Mais si je veux citer mon cas personnel, j'ai découvert l'hypnose il y a 11 ans bientôt, lors d'un spectacle. Alors que pour moi, l'hypnose, c'était quelque chose de complètement abstrait. J'étais pas prêt à ça. Et j'ai découvert l'hypnose lors d'un spectacle, dans un club de vacances. Et je suis monté sur scène. J'ai souvent l'habitude de citer cet exemple. Je suis monté sur scène en me disant, de toute manière, ça ne marchera pas. Je suis trop cartésien, je prends rien, ça ne marchera pas. Et puis, on était environ 30 personnes sur la scène. Et l'hypnotiseur... nous a dit, il y a 8 chaises sur la scène, j'en garderai 8 parmi vous. Donc, toujours conforté dans mon idée que sur moi, ça ne marchera pas, il nous a fait fermer les yeux, il nous a fait faire un test. Et à l'issue du test, quand on a rouvert les yeux, on n'était plus que 8 sur la scène. Donc, je faisais partie de ces 8 personnes qui étaient bien réceptives. Et j'ai été hypnotisé. D'accord. Et je suis resté pendant une heure et demie sur scène à vivre des scénarios incroyables. J'ai joué au Stade de France avec Johnny Hallyday. Ah ouais. J'étais son guitariste. Oh. Et étant gamin, j'avais un orchestre et j'étais guitariste. En personne. Voilà. J'ai gagné le Grand Prix d'Amérique à cheval. T'en as fait des choses. J'ai gagné 1 million d'euros au loto. Wow. Donc on sent des choses extraordinaires, sauf que le ticket réveil, de loto, c'était celui de la semaine passée. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais on vit des sensations incroyables. Et nous, les hommes, je vais couper la parole parce que tu ne veux pas le dire, celui-là. Mais il paraît que tu as accouché sur scène aussi. Ah, c'est ce que j'allais dire. Nous, les hommes, on devait être 4 hommes, 4 femmes, on a accouché. Ah ouais. Et j'ai ressenti tout ce que j'ai vécu à la naissance de ma fille, il y a plus de 30 ans, et j'ai reproduit des gestes. Ce qui veut dire que ces gestes étaient ancrés dans ma mémoire. Et j'ai même expulsé le bébé, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai bercé. C'est quelque chose d'incroyable. Et je ne l'ai pas ressenti sur le moment, et c'est les gens du public le lendemain qui m'ont dit « Tu te souviens que tu as accouché, que tu as bercé le bébé ?» J'ai des signes bizarres. Le bébé s'est mis à pleurer et ça m'a agacé. Et à côté de moi, toujours les yeux fermés, assis sur une chaise, d'où l'expression, j'ai refilé le bébé à ma voisine qui l'a bercé. Et quelques jours après, ils ont fait passer le bébé de bras en bras. Les gens parlaient de tout ça et tout m'est revenu au fur et à mesure dans mon esprit. Et quand je suis rentré de vacances, je me suis dit c'est quelque chose d'incroyable. Je voudrais comprendre comment ça marche. Je voudrais comprendre ce qui m'est arrivé. Et il m'est arrivé quelque chose de tellement énorme. Je me suis dit, je veux faire la même chose. Et surtout, je voudrais transmettre l'hypnose autour de moi. Donc voilà comment je suis devenu hypnotiseur, formation, pratique, etc. Et je n'ai jamais été réhypnotisé depuis ce jour-là. Parce que j'ai voulu garder ce moment tellement intense, tellement fort, que j'ai toujours refusé une autre séance d'hypnose, peut-être de peur d'être déçu. Donc ça a été un très très grand moment et ça a changé complètement ma vie. Peut-être qu'avant de découvrir l'hypnose, j'aurais pas pu être à ce micro et parler à la radio. Je n'aurais peut-être pas pu monter sur scène et parler devant 400 ou 500 personnes. Avec Johnny Hallyday. Non, pour de vrai. Voilà. Et grâce à l'hypnose, j'ai trouvé une confiance en moi, puis une espèce de sérénité aussi. D'accord. Donc ça a été totalement bénéfique. Parfait, parfait. Et vous, en 2 minutes, est-ce que vous avez déjà testé avec d'autres, pas des gens de votre secteur, mais ailleurs, est-ce que ça vous est arrivé? L'année dernière, on a été voir un spectacle sur Paris. Le spectacle de Xavier Claus, qui est un hypnotiseur très très bien au niveau français. Et c'était la première fois que j'étais hypnotisé. Il m'a couché sur le siège, alors qu'avant j'ai essayé. Et il savait fois. Que tu étais. Non, il a fait des tests. Et puis à la fin du spectacle, il est venu, il nous a demandé de baisser les bras, on se laisse aller, détendu. Puis il nous a pris l'un derrière l'autre, rupture de pattern qu'on appelle. C'est un moment où on va faire une rupture, on va dire. C'est juste pour donner une image, c'est comme si qu'il y avait des portes vitrées. Et on arrive devant la porte vitrée, et puis on a la tête ailleurs, on ne sait pas si la porte va s'ouvrir ou ne va pas s'ouvrir. Et au moment que la porte va s'ouvrir, il y a un petit vide dans notre cerveau. D'accord. Et on récupère ce petit vide, et puis là on fait une rupture de pattern qu'on appelle. Et là il m'a couché dans la salle, et j'étais surpris quand même. D'accord. Ouais. On n'a pas rigolé du tout. Tu étais aussi... Ouais. Malheureusement, moi je suis trop dans l'analyse pour avoir réussi à être hypnotisé. D'accord. Et surtout quand on est hypnotiseur, on connaît les techniques. C'est-à-dire que si on essaye d'être hypnotisé par un confrère, tu peux le contredire, tu peux même arriver à retourner la situation. Contredire, c'est qu'en fait on analyse comment lui il fait et on se dit tiens moi j'aurais procédé différemment. Et en fait on n'écoute plus ce qu'il nous dit, on est dans l'analyse technique. Tu déconnectes un petit peu le. D'accord. Parce qu'en hypnose de spectacle, que ce soit sur scène ou dans la rue, on joue aussi sur l'effet de surprise. Et donc, nous, en tant qu'hypnotiseurs, si on essaie de se faire hypnotiser, il n'y a plus du tout cet effet de surprise. Il y a ce qu'on appelle l'effet « waouh ». Et en hypnose de rue, en hypnose de spectacle, on joue beaucoup sur le phénomène « waouh ». D'accord. Eh ben, waouh. Il va nous amener du côté de Soprano avec un morceau que j'affectionne particulièrement, qui est un petit peu spécial, mais bon, je l'affectionne quand même, donc, monsieur Soprano. C'était Soprano et les Mouettes, qu'on entend au fond et la mer. Messieurs, tout se passe bien pour vous ? Très bien. Personne ne s'est endormi ? Pas encore. Eh bien écoutez, c'est le principal. Parmi les questions que j'avais préparées, quels sont les phénomènes hypnotiques les plus simples à gérer ? Alors, les plus simples, eh ben, c'est en général les phénomènes hypnotiques qu'on fait vivre en premier. Par exemple, sur les hypnoses de rue, ce qu'on fait souvent, c'est les catalepsies. C'est quoi une catalepsie ? Ben, c'est quand on ne peut plus bouger. Et par exemple, quand on fait des tests, par exemple, bien souvent, on demande aux gens d'avoir les mains dans une position et les doigts qui vont se coller. Ben, les doigts qui se collent, c'est déjà une catalepsie. Oui, par le fait de la volonté, pas par le fait de moi, je peux les coller là. Oui. D'accord. Ben, c'est le mental qui dirige. Oui, comme tout. Avance ton, on le sait pas, mais quand on fait un pied en avant par rapport à l'autre, c'est le même résultat. C'est notre cerveau qui commande. Oui, la catalepsie, en fait, elle est dirigée par le cerveau. En D'accord. fait, c'est l'un des premiers effets hypnotiques que l'on peut faire. Alors, une catalepsie, ça peut être les doigts qui se collent, ça peut être les paupières qui sont fermées et puis qui ne peuvent plus se rouvrir. Vous avez les paupières lourdes, la fameuse phrase, vous avez les paupières lourdes, voilà, vous avez fermé les yeux. Tu ne pourras plus les rouvrir, c'est une catalepsie. Bah, je peux plus, déjà. Le fait d'avoir les mains collées sur une table, le fait d'avoir les pieds collés au sol, le fait d'avoir la langue collée voilà. Alors, sur le palais, la bouche, les lèvres collées. Il me revient, et là, tu m'ouvres une petite lumière dans mon petit cerveau. Il y a très longtemps de ça, c'était boulevard Châteaudun. Il y avait un bar qui était situé juste en face de la caserne, qui n'existe plus, le quartier Sony. J'avais deux ou trois copains qui étaient bidas, que j'entendais gentiment. Et là, j'ai un monsieur qui était au bar, il discutait de plein de choses. À un moment donné, on a sympathisé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et on parlait. Mm-hmm. Et maintenant, ça fait... Ah, ça date de... Et tu viens de me donner une réponse à cette question que j'ai depuis X temps. C'est phénoménal, ça. Question, on n'a pas entendu. D'accord. Eh bien, il est arrivé, je me prenais une bière, hein. J'étais avec une pinte de bière, enfin, avec une anse. Et il me parlait, patati patata, enfin, tout un tas de trucs. On parlait de plein de choses. Puis à un moment donné, il me dit, tu sais que si je veux, je vais t'empêcher de boire ta bière. Je le regarde, j'y vais, bah, ça m'étonnerait. Compliqué. Et bah, on continuait à discuter, puis il m'a amené sur le truc. C'est vrai que je me sentais un petit peu bien. Bien, c'était pas la bière, hein, c'était tout simplement. Et tout d'un coup, il m'a dit, bah, lève ton verre. Et là, j'ai voulu prendre le verre. Impossible de le décoller. Coller. L'hypnose conversationnelle. D'accord. Et bah, ça devait être dans les années, moi j'avais fini l'armée, ça devait être 82-83. Quartier Sony, face au quartier Sony, il y avait un bar. Donc en fait, moi il m'a scotché. Hein. Il m'a scotché. Mmh. Bon, ben, j'ai une réponse plus de presque 30 et quelques années après, 50 Ouais, c'est presque 50 ans après. Mmh. D'accord. En fait, c'est de l'hypnose. C'est l'hypnose conversationnelle. En fait, c'est dans la conversation, tu vas glisser des commandes cachées. Sérieux, là je fais encore le geste, mais j'ai encore rien que d'y penser, j'ai la poigne serrée, j'ai essayé. Et pourtant, 25 centilitres ou 50 centilitres, je ne sais plus le contenant. Mais c'est, j'ai toujours cette image. Mmh. Et je disais, mais je ne vais pas dire les gros mots que j'avais dans ma tête à cette époque-là, mais. C'est et impossible. Maintenant, tu vas pouvoir le lever. Et là, comme une plume. Mmh. D'accord. OK. Donc, c'était un. Ben, c'est une catalepsie. OK. C'est l'un des premiers phénomènes que l'on peut faire facilement. Et pourtant, après, je n'avais pas demandé de m'hypnotiser. Alors, est-ce qu'il s'est entraîné? Est-ce qu'il a... Non, il a commencé. Il a vu que ça commençait à prendre, donc il a continué. D'accord. Et dans sa conversation, ouais, parce que bon, on était au bar. Comment ça se passe hein, dans ces cas-là? Et je pense qu'à ce moment-là, ce qu'a fait cette personne, bon, elle t'a un petit peu analysé, elle a parlé. C'est ce qu'on appelle le pré-talk en hypnose de rue, hypnose de spectacle. Là, on est en talk show. Hein. Et nous, on appelle le pré-talk. C'est-à-dire... Avant la séance d'hypnose, on va parler, ce qui va nous permettre d'analyser. Et je pense que là, il a déjà, il t'a convaincu sur certaines choses. Il t'a mis en état de confiance. Oui, ah oui, entièrement. La conversation était intéressante. Oui, parce qu'on a assez vite lié de... Voilà. Mais à aucun moment, par contre, il t'a suggéré que tu ne pourrais plus soulever le verre. Avant, non? Non, c'est ça qui est incroyable. Et moi, j'ai eu un exemple un jour, un peu dans le même style. C'était un repas, un congrès de travail. On était au restaurant avec des collègues. Et en face de moi, j'avais quelqu'un, un collègue. C'est la première fois que je le voyais. Et dans la conversation, je suis venu à parler d'hypnose. Donc, je lui ai dit que je faisais de l'hypnose. Et ce monsieur m'écoutait, mais vraiment très, très attentivement. C'est un signe, justement, qui nous permet de détecter si la personne est réceptive. Déjà par l'intensité du regard, la fixation du regard. Et il avait, on était en train de manger, mais il avait une main qui était posée sur la table. Et je lui ai dit qu'à un moment, je lui ai suggéré que sa main était collée. Et il m'a regardé avec des grands yeux et je lui ai dit, maintenant tu peux essayer. Et il n'a jamais pu soulever la main de la table. D'accord. Elle était collée à la table. Et c'était quelqu'un qui était vraiment très très réceptif et il voulait découvrir un phénomène hypnotique, en mangeant, je l'ai endormi sur la table en 2 secondes, en un claquement de doigts. Parfait. Oui, ben, j'ai un peu le même truc. Là, dernièrement, on a été au VNB à Bowl et puis on a fait quelques petites choses. Et puis, ben, y avait une personne qui me disait qu'il avait testé, mais que ça n'avait jamais marché et que de toute façon, pour lui, ça ne marcherait pas. Je me suis dit, bah, écoute, on va essayer quand même. Donc, il s'est retrouvé avec les doigts collés et les mains collées sur la table. Et puis, ben, impossible pour lui de décoller ses mains sur la table. Et on s'est arrêté à ça, juste parce que c'était sa demande, c'était « Mais pour moi, ça n'a jamais marché. Okay, » Et puis, voilà, il s'est rendu compte que pour lui, ça pouvait marcher quand même. Parfait, voilà, plein d'exemples concrets. Ouais, après, je vais passer aux autres questions, parce que j'ai beaucoup de questions. Vas-y, Philippe. Un exemple. Souvent, il y a des gens qui ont une idée en tête, c'est qu'ils ne sont pas réceptifs, ils ne pourront pas être hypnotisés. Ouais, ils n'y croient pas. Et souvent, en hypnose de rue, on a des gens qui nous disent « Moi, ça marche pas. Ah bon, tu as essayé déjà? Oui. Avec qui? J'ai essayé avec Mesmer, le plus grand de France, etc. Même avec Mesmer, ça n'a pas marché. Et puis 5 minutes après, ils sont sur ton épaule, dans un état de détente complet. Oui, ouais, bien sûr. Ça, c'est un exemple qui revient très par moi, parce qu'il cite ce monsieur, parce que ce monsieur est éminemment connu, on voit des affiches partout. Mais ils étaient en face de Philippe et ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire. On est bien d'accord. Après, en tant que peut-être tout un tas d'autres petites choses comme ça, dernièrement, on a... Mais non, vas-y, je t'écoute. On a fait vas-y. Une autre petite soirée, c'était une soirée zen à l'eau. Et il y avait une jeune fille... qui me dit « Oui, non, moi, j'y crois pas trop. » Ce que je me suis amusé à faire, c'est hop, hypnose, tranquille, petite relax. Et puis dans la foulée, je lui ai dit « Tu vois les deux bassins, là ? Il y a un bassin où il y a beaucoup de bouillonnement d'air, etc. C'est un air qui est glacial. » Et je lui ai suggéré que l'eau qui était... Enfin, le jacuzzi, l'eau était glaciale, et que le bain d'eau froide qui était à côté, l'eau, elle était juste adorable. Elle y a essayé. Et ben, elle s'est mise, je te le donne en mille, dans l'eau qui était à 15 degrés. D'accord. Et puis elle était bien. Et par contre, elle n'a pas pu se mettre dans le jacuzzi qui était à 35. Ouais. Parce qu'elle estimait que l'eau était glaciale. D'accord. Donc tu vois, ça c'est... Ok. Et il y a parfois... je vais essayer d'assez vite parce que j'aimerais quand même avoir le temps de poser les questions des auditeurs qui ont pris le temps, m'écrire. Et je vais tenter de le faire. Parce que pour moi, essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas réussir. Donc on va tenter de le faire. Tout à fait. Il y a parfois de la peur ou de la méfiance dans le public. Comment rassure-t-on quelqu'un? Parce que des fois, moi, j'ai vu des séances d'hypnose et des fois... Je dirais qu'on lui demande sur quoi est fondée sa peur. De quoi est-ce qu'il a peur? Et puis on lui explique que cette peur, ben en fait, il va tester, puis il va se rendre compte qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. D'accord. Parce que souvent, on rassure simplement. Ouais, parce que souvent les gens, on leur demande, tu as peur de quoi? Ils ne savent pas nous répondre. On leur dit, tu sais, on va faire des tests, tu verras bien, c'est agréable. Après, on va te faire découvrir des sensations, marcher sur la lune, avoir des ailes. Tout à l'heure, on parlait du GHB, on parlait tout un tas de choses. Ah, on va me faire faire ce que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie d'être ridicule devant les gens. J'ai pas envie que tu me fasses faire la poule. Voilà, c'est la poule. En fait, derrière le truc de faire la poule, c'est surtout je veux pas qu'on me fasse faire ce que j'ai pas envie de faire. Nous, on fait faire le canard. Mais c'est plus difficile de faire un canard. Il y a même des séances de bruitage dans la radio, là on se lâche un petit peu. On déstresse parce que nos stress avec ces messieurs là, on est dans la partie vraiment sympathique et cool. Et ça me fait très plaisir et je l'avais pensé avant que mon émission ne prenne forme et Laurent, pour tout vous dire, je l'avais rencontré avec Philippe d'ailleurs lors d'une séance d'hypnose dans un endroit à Saran, j'avais été un petit peu subjugué de leur travail et effectivement j'avais envie d'en reparler, de les faire connaître, de faire savoir. Et voilà, c'est l'occasion qui a fait le larron. Et je remercie Albino de m'avoir fait rentrer, entre autres, et la direction d'Arc-en-Ciel de me faire confiance et de pouvoir aujourd'hui vous avoir au micro et de partager ça avec nos auditeurs, auditrices. L'auto-hypnose, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut me répondre? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'autosuggestion? C'est en quelques mots. Oui, après, peu importe le mot qu'on met derrière. L'auto-hypnose, c'est juste... l'hypnose, c'est quoi? C'est un état modifié de notre conscience. C'est une façon de ressentir les choses différemment de d'habitude. D'accord. L'auto-hypnose, en fait, on se met soi-même dans cet état. C'est pas de la méditation. C'est pas de la méditation. On se met soi-même dans un état où on va ressentir ce qu'on a envie de ressentir. Par exemple, une personne qui a, je sais pas, on va dire une douleur. Eh bien, elle va se proposer d'imaginer si, par exemple, elle a mal à la main droite et qu'à la main gauche elle a pas mal, elle va focaliser son attention sur ce qu'elle ressent sur la main droite. Et puis elle va transférer ce ressenti sur la main gauche. D'accord. Ça, c'est de l'auto-hypnose. En fait, la douleur, elle existe, c'est la lésion, mais après, tout le côté psychologique, par l'auto-hypnose, eh ben, elle va pouvoir envelopper ça dans du coton. Et puis, D'accord, c'est un petit peu comme dire, hein, on parlait tout à l'heure des athlètes de niveau et tout ça, j'arrivais pas à passer les 5,80 m à la barre. Tout à fait. Mentalement, je me prépare et un jour, je vais passer à 5,82 m. Je vais le faire. Et si tu veux, par exemple, une séance pour un sportif, c'est un hypnotiseur qui va prendre le lead et qui va lui suggérer de se visualiser en tant que champion, machin, etc. Il va lui faire un petit ancrage. Alors un ancrage, on parlait tout à l'heure de la manette de 9 pouces, mais pour un sportif, il va prendre un ancrage qui correspond à son sport. Par exemple, pour un escrimeur, il va lui dire, bah, dès que tu auras l'épée dans la main, crac, tu vas te mettre en mode je suis le champion. Et, I am the best. Et puis bah, voilà. Ouais. Et cette personne, dès qu'elle va prendre cette épée, elle va s'auto-hypnotiser. D'où le sur dépassement de soi-même pour plein de choses est-ce que l'auto-hypnose peut se pratiquer dans la rue? Tout à fait, on peut le pratiquer. J'ai un oui, j'ai un non là en face, hein. Techniquement, oui. Voilà, peut-être bien, peut, peut-être maintenant. Voilà, on peut le pratiquer où on veut, suivant la durée, on va dire, de ce qu'on a besoin. On peut très bien dire, ben, j'ai un rendez-vous là dans un quart d'heure, j'y vais, je suis à pied, j'ai mon rendez-vous avec une personne, mon patron ou quoi que ce soit, et puis ben, je vais être bien, je vais pouvoir répondre et tout, et ben il va se mettre en condition en marchant. Simplement, il est dans la rue, il va se mettre en condition pour arriver dans le quart d'heure chez son employeur, pour être au top de... psychologique. Hein, voilà, tout à fait. Alors, la peur, je sais pas, moi, on peut parler par rapport aux attentats, enfin, par rapport à plein de choses, dans des lieux où il y a du confinement, il y a beaucoup de monde, on peut se mettre en préparation, ou se dire, voilà, prendre un avion ou autre et se préparer un bateau. Après, je dirais que l'auto-hypnose, elle n'a pas obligatoirement une vocation thérapeutique. Ah non, mais oui, ça peut être. Ça peut être une vocation juste de bien-être. Ou se dire, moi ça m'arrive des fois, je suis, le soir je vais me coucher, je dis tiens, je veux passer une bonne nuit, je demande à mon inconscient de me régler le problème, je veux passer une bonne nuit, je veux que demain matin je vais être en pleine forme. Je ferme les yeux, je pars, et puis inconsciemment, ça va travailler toute la nuit. Je souhaite simplement témoigner. Là, tu vois, tu me refais faire un truc encore. C'est bizarre les images qui peuvent revenir avec ce genre de discussion et le replay qu'on peut faire sur sa vie. J'étais à l'époque toujours à l'armée et j'avais donc une grosse préparation sur un semi-marathon en préparation d'équipe nationale pour aller courir le Figaro. C'était la dernière fois où j'allais voir Monsieur Jackie Boxberger, pour ne pas le citer. Donc je savais que j'allais courir face à lui. Bon, il m'a mis 7 tours, mais bon, je l'ai quand même vu. Et j'ai passé, je sais pas pourquoi, toute la soirée à me préparer. J'étais dans mon pieu, je regardais un petit peu la télé, j'ai éteint la télé, je me suis préparé. Et je me suis préparé psychologiquement à cette course. Je n'avais jamais été à cet endroit-là, mais je l'ai visionné dans ma tête. Je me suis préparé physiquement, psychologiquement, à courir comme un dératé. À partir déjà, c'est le départ au sprint, parce qu'il faut se placer. Après, je savais qu'il y avait un goulet avec des ronces et tout ça, parce que c'était à l'armée, bon, et ils aimaient bien le côté boue, le côté... Et je me suis préparé, et je peux le certifier. Le lendemain, on est parti, on a été au lieu où on devait faire cette sélection. J'étais dans une forme pas possible. J'étais prêt, je vous en rends pas, j'en ai les poils sur les bras. J'étais prêt psychologiquement. Et 80%, 80 même, 85% de la course qui s'est passée, je l'avais vécu. J'y étais déjà. Je savais, et j'étais prêt, j'ai pris le départ que je voulais. Et j'étais en super forme. Ouais, et je me suis... Et peut-être même que quand tu as fait cette course, tu étais sans le savoir, peut-être d'une façon ou d'une autre, un peu encore en auto-hypnose. Peut-être. Mais j'étais. En fait, tu vivais les trucs physiquement, mais tu étais dans un autre monde. Tu étais dans une réalité différente de quand on court. C'est bizarre parce que j'en ai presque envie de pleurer, donc tellement que ça me ça m'émeut. Ouais, tout à fait. Et ça me remonte parce que c'est des remontées de psychologiques. Et j'ai des images explicatives d'aujourd'hui parce que je m'étais jamais rendu compte à quel point. Et c'est vrai que j'ai toujours cette image dans la tête, j'en ai d'autres, mais là, ça m'a vraiment percuté. Là, juste quand on en parlait, clac, j'ai eu cette image et ce fait. Je vais encore citer un exemple personnel, mais j'espère qu'il pourrait servir à plein de personnes parmi les auditeurs. Il y a quelques années, je consulte mon chirurgien dentiste, qui est un bon ami, et ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vu. Et le premier rendez-vous, ça a été très, très difficile. J'avais une espèce de crainte et j'étais arc-bouté sur son siège. Le dos ne touchait même plus le siège. Je transpirais. J'étais tendu. Et à un moment, je me suis dit, allez, il faut que tu arrêtes. Tu vas te détendre. Et je me suis fait une auto-hypnose. Je précise, je n'ai jamais été formé en auto-hypnose, mais c'est faisable. Je me suis mis dans ce qu'on appelle un lieu refuge. C'est-à-dire que ce lieu, c'était la rivière où, étant gamin, j'allais tous les week-ends, j'allais pêcher. Voilà. Et j'étais parti dans un voyage au bord de cette rivière. Et puis, je me suis aperçu que j'étais très, très bien, complètement détendu. Et le dentiste a pu travailler tranquillement. J'étais tellement bien que je ne sentais rien. Bon, il est très, très efficace, il ne provoque jamais de douleur, mais le fait que je sois complètement détendu, ça a nettement favorisé la séance chez le dentiste. Et donc, j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes de se mettre dans un état détente, dans ce qu'on appelle un lieu refuge. D'accord. Alors, je sais que dans les différents, il y a différents courants d'hypnose. Je ne sais pas si on va trop étaler la chose parce que bon, ericksonien, humaniste, conversationnel, tout ça, ça a changé. Il y a un gros débat là-dessus. Je ne sais pas si on peut en répondre, mais vraiment, truc short, non, c'est même pas la peine. On parle aussi d'hypnose régressive. D'accord. Où là, on repart très loin. Voilà, c'est ce que en arrière. Je continue de me former par rapport à ça. Okay, donc ça, c'est Fabrice qui se remet à ça. Bah ouais, sur la régression, en fin de compte, il y a des gens, ils ont un problème, ils l'ont, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Je vais donner un exemple sur des bouquins que je suis en train de lire. Il y a une personne qui est là, au mois de novembre, dès qu'elle veut mettre son écharpe, elle a des brûlures au cou, et elle ne peut pas supporter une écharpe au mois de novembre. Alors, il y en a un qui lui a dit... va voir un hypno, il fait des régressions et tu verras bien. Alors il a été le voir et puis il va le voir. Alors en fin de compte, il l'a emmené dans le passé et dans sa vie passée, c'était une femme. Et en fin de compte, cette femme, au mois de novembre, elle s'est pendue avec une écharpe. Et lui, sa vie maintenant, parce que dans le passé, on peut être une femme, on peut être un homme, peu importe. Dans la vie antérieure, enfin, dans une autre vie. Ouais. C'est pour ça que dans la régression, on peut remonter dans les années 1500, 1600, 1400, suivant où c'est qu'on va aller chercher le problème. D'accord. Et ça, c'est de l'hypnose régressive. Et c'est franchement, c'est encore différent par rapport à en thérapie, mais c'est vraiment intéressant. D'accord. Je vais garder les 10 dernières minutes pour un petit peu les questions réponses. Hein. Quels sont les critères selon vous d'une bonne formation d'hypnotiseur, tout simplement? Je sais que c'est pas un diplôme d'État, c'est pas reconnu. Il y a aucun diplôme reconnu en France. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est pour ça qu'en thérapie, il y a des écoles de formation. On leur donne n'importe quoi hypnotiseur. Oui, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se former en thérapie peut à tout moment ouvrir un cabinet et faire du bien ou du moins bien. Voilà. En hypnose de spectacle, il y a aucun diplôme. Il y a des formations. En général, les formations, la plupart des formateurs en France, c'est une formation sur un week-end. C'est-à-dire, c'est intensif, il y a de la théorie, il y a de la pratique. Et le dimanche soir, on te tape sur l'épaule, on te serre la main, on te dit merci, au revoir, t'es un hypnotiseur de spectacle. Ah oui. Eh oui. Alors voilà, la réaction que tu viens d'avoir, Didier, c'est la réaction qu'on a connue, que d'autres connaissent encore. Au sein de l'association Hypnotise, on fait une formation à l'hypnose de spectacle. Et on a innové dans le sens où c'est une formation un petit peu continue qui se déroule, alors déjà, tout près d'ici, à la salle Yves Montand des Blossières, le lundi soir, c'est tout près de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est une formation sur 9 lundis soirs, 9 fois 2 heures, où la première heure est consacrée un petit peu plus à la théorie, et la deuxième heure, on fait des petits groupes entre nous, et les élèves mettent en pratique ce qu'on leur a appris la première heure. Et à partir du moment où ils ont fait le module test de réceptivité, eh bien, les élèves vont venir sur le terrain avec nous et ils vont faire leurs premières armes. C'est-à-dire qu'il y a une formation et il y a aussi un encadrement et un suivi. Et ce qu'il faut noter, ça a quand même son importance, c'est une formation qu'on dispense gratuitement aux adhérents de l'association hypnotiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vient nous rejoindre à l'association, il pourra bénéficier de cette formation, mais surtout d'un encadrement et d'un suivi sur le terrain pour qu'il fasse ses premières armes. D'accord. Ben, ce qu'on fera après, Philippe, parce que là, bon, on va pouvoir le dire vite fait à l'antenne, mais pour que les gens aient un ancrage, on le mettra aussi sur la page, vos coordonnées, votre numéro de téléphone, oui, éventuellement, pour que les gens puissent venir vous rencontrer, tout simplement, éventuellement des petits liens pour qu'on puisse vous suivre quand vous êtes. Ce soir, vous pouvez nous retrouver dans un bar qui s'appelle L'Apéro à Saint-Privé. D'accord. On ira à l'apéro alors. On ira boire l'apéro. Bien. Et surtout, tout à l'heure, tu parlais des écoles. Oui, ce que je voulais dire, ça fait partie des questions juste après, mais on peut la mettre dedans. Sûrement parler des écoles pour le thérapeutique. Oui, le côté thérapeutique, mais le côté de rue aussi, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des fédérations, et même par les fédérations, ça ne peut pas être reconnu. Non, il n'y a même pas de fédération. C'est des syndicats qui sont liés à deux grandes écoles. Il y a l'Arche et Psynaps. Il y a deux grands syndicats. Après, autour de ça, il y a d'autres écoles qui sont un peu satellites, mais en gros, chaque école va développer sa façon de faire. D'accord. Ah, c'est une vue un petit peu différente. Alors, je ne vais pas proposer aux auditeurs une séance en live parce que il faut que je finisse l'émission et malheureusement, on a très peu de temps et filmer, préparer tout ça, on n'a pas eu le temps, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire ou on le fera peut-être hors studio un autre jour pour voir. Je vois que Laurent me fait des grands gestes. Alors, juste avant de passer aux questions, il me reste à peu près, un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, je vais vous passer un dernier morceau Eurythmics. Et après, on attaquera du côté des questions, si vous êtes OK, messieurs. Tout à fait. Oui, oui. Alors, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, il est 15h49 et nous sommes toujours dans l'émission Didier & Co sur 96.2 à Orléans. Et je reçois donc, je viens de recevoir trois hypnotiseurs, donc deux thérapeutes et un hypnotiseur de spectacle en les personnes de Philippe, Laurent et Fabrice qui font partie de l'association Hypnotise. Avec trois Z. Ok. Et ben dans les questions que j'ai la première question de Michel, c'est un homme qui m'a écrit un petit mail, gentil d'ailleurs, et qui me pose la question, quelle est la différence entre la sophrologie et l'hypnose? Ah, il y a un blanc. Alors je dirais que la sophrologie, c'est des protocoles qui sont bien figés. Alors la sophrologie et l'hypnose, bien sûr, c'est des grands cousins. Hein. On a commencé d'abord, historiquement, c'est d'abord l'hypnose. Et puis après, la sophrologie a utilisé l'hypnose et quelques autres techniques dans des protocoles bien figés. Ok. Gestuel. Ok, merci. Je pense que Michel sera satisfait ou pas, il me le dira hein, par mail. Hein. T'oublies pas, Michel, je pense que tu dois être à l'écoute. J'ai Françoise. Alors, y a-t-il de la PNL? Alors, elle m'avait pas dit ce que c'était que la PNL. Programmation neurolinguistique. C'est ça. C'est quoi la PNL? Et elle m'a dit, voilà, dans la pratique de l'hypnothérapie. Alors, normalement, on sépare l'hypnose de la PNL. Mais bien souvent, dans la pratique, on mélange. D'accord. En fait, c'est des moyens de communication et on utilise ce qui est efficace. Hein, et donc, le mieux pour la personne. Ok. Alors peut-être que tu vas me répondre pour eux. Alors c'est comment ça Marlène. Marlène demande, puis-je sortir de l'état d'hypnose à tout moment si je me sens inconfortable? Tout à fait. Quand on est sous hypnose, on est toujours conscient parce qu'on nous on travaille avec la partie inconsciente, mais le conscient est toujours là. Les suggestions qu'on va lui proposer, que ça soit en hypnose de rue ou en spectacle ou en thérapie, s'il y a des choses qui lui conviennent pas, elle peut sortir quand elle veut. C'est le conscient, il est toujours là, il est toujours présent. Et on ne peut pas aller faire des choses à une personne si elle n'a pas envie. On peut pas lui dire, alors qu'on est au rez-de-chaussée, on va lui dire, tiens, on est au troisième étage, tu vas sauter, t'es un oiseau. Elle va consciemment, le conscient, comme il est toujours d'actualité, toujours présent, il va revenir et dire non. Ouais, c'est pas comme dans les films alors. Non, c'est différent. Voilà. Après, on passe dans le lavage de cerveau. Bien sûr. Ouais, mais là, non, la personne est toujours consciente et elle accepte ou elle accepte pas les suggestions. Voilà. D'accord. J'ai une petite anecdote là. Une fois, j'avais un ami qui m'a dit ah, Lolo, tu m'hypnotises. Bon, bah, écoute, si tu veux, Jean-Claude. Alors, je commence et puis, à un moment donné, catalepsie, tout ce qui va bien, puis à un moment donné, je lui suggère que il va changer de prénom, il va s'appeler Élodie. Et là, il m'a regardé, il a ouvert les yeux, il a dit « Ah non, sûrement pas, je changerai pas de prénom ». D'accord. Donc il était sous hypnose, mais le fait de changer de prénom, reparti, tu vois, pour lui, c'était quelque chose non. C'était l'histoire de la barrière que je disais un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et il est reparti après dans son état d'hypnose. D'hypnose ? Non, il a dit j'arrête. D'accord. En fait, il est ressorti carrément du jeu, quoi. Et souvent, on a un autre exemple comme ça, c'est quand on fait de l'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue, surtout en l'hypnose de rue, quand on veut enlever un chiffre, le chiffre 3 ou le chiffre 7, et on tombe sur des gens qui sont comptables. Généralement, ça ne marche pas. D'accord, oui. Parce que c'est leur métier. En aucun cas, le chiffre 7 ou le chiffre 3, il fait toujours partie. Et nous, on veut l'enlever totalement. Et c'est vrai que la partie comptable, c'est des choses sur lesquelles il y a un lien affectif avec la chose. Et s'il y a un lien affectif, on ne pourra rien faire. D'accord. Et ce qui prouve qu'on ne peut pas imposer les choses aux gens. On leur suggère quelque chose et c'est eux qui décident. D'accord. Donc si ce comptable est effectivement attaché au chiffre, le fait en général, ils sont attachés au chiffre, proposer d'oublier un chiffre, ça ne marchera pas. D'accord. Sinon, il ne sera plus payé après. Voilà. S'il s'oublie. Exactement. S'il va oublier des chiffres sur la facture, ça fera moins. Ouais, bien sûr. Alors c'est Sofiane, pardon. Si une personne est très réceptive, est-il possible de l'endormir par un mot à distance? Oui. Tout à fait. Oui. Un mot qui soit vocal ou même écrit. D'accord. Ou gestuel. Donc la glace, il y avait possible. Oui. Je vous assure que non. Là, pour l'instant, du moins, donc alors, par téléphone, par écrit. On aurait très bien pu faire une séance d'hypnose et convenir que quand tu verrais le mot d'or, tu retomberais en état d'hypnose. Et puis je mets le mot d'or sur un post-it dans un bouquin. Page 38 ou page 9. Oui, voilà. Et puis je oui. dis, tiens, ouvre le bouquin, page 9, et lis s'il y a sur le post-it. Tu vas lire le post-it, et pouf, tu vas repartir d'accord. en état donc, d'hypnose. Donc, si un, si tu, même sans le préparer, quelques mois après, la personne, elle a son, Non. Non, quelques mois après. Non. Il faut entretenir, il faut entretenir cette suggestion. D'accord. Si tu n'entretiens pas la suggestion, elle se barre. Elle se barre. Terminée. Ok. Ouais, parce que mais cette suggestion. Oui, parce que sinon, c'est avis et post-it. Ouais. Non. Je l'ai fait sur un SMS, simplement. Tiens, alors, en train de conduire, chérie, passe-moi le post-it. Oui, par SMS, on peut. Sur un SMS, je l'ai fait. Ouais. Il y avait marqué d'or. J'ai dit, tiens, téléphone, regarde, t'as reçu un truc, il regarde. Hop, d'or. Bing, hop, il s'endort. Et là, ou par téléphone, à distance. Ouais. Par radio, non. on s'amuse un petit peu. Voilà. Julie pose. Alors, si le praticien qui m'a mise sous hypnose me demande mon code de carte bleue ou de révéler un secret compromettant, elle a quelque chose à cacher, Julie. Ouais, hein, qu'est-ce qui m'en empêche qu'est-ce qui m'en empêche techniquement? Eh bien, ce qui lui en empêche, c'est son conscient. D'accord. Comme elle a tout simplement. Voilà, c'est qu'elle, si pour elle a l'habitude de dévoiler son code de carte bleue à ses amis. Elle me l'a pas envoyé un SMS, je vous promets. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas pour l'histoire du code de carte bleue. Si la personne elle a l'habitude de laisser son code de carte bleue à des amis, elle va le laisser. Ouais. D'accord. Je suis content parce que j'ai réussi à passer les questions que j'avais à poser. On va faire un petit tour de table vite fait à travers la vitre. Non, je sais pas de vous endormir, messieurs. Non, je fais simplement un petit tour. Philippe, un petit mot. Laurent, un petit mot. Et Fabrice, un petit mot pour terminer cette première. Déjà, on était très contents de venir. Mais avec plaisir. Première émission radio. Et puis, j'espère qu'on aura éclairé et les personnes sur l'hypnose. Et n'ont pas endormi, parce que j'espère qu'il y en a qui ne sont pas sur le canapé en train de dormir. Non. Réveillez-vous. Si on avait le temps, on aurait pu faire. On va vous réveiller après en musique, sinon. On aurait pu faire une petite relaxation, mais là, le temps ne le permet pas. Et puis, surtout, si les gens veulent nous rencontrer sur des animations ou téléphone par mail, nos coordonnées sur Facebook. Hypnotise avec 3Z, page publique. On d'accord. sera un plaisir voilà. de répondre okay, à leurs questions. C'est parfait, comme ça, il y a les coordonnées, il y a tout ce qu'il faut. Laurent. Au niveau de la sauce, rien d'autre à dire. On est tous très contents d'avoir pu faire découvrir un petit peu les petites questions qu'on peut se poser, parce que c'est un petit peu aussi notre but. Hein, quand on déambule dans la rue pour faire de l'hypnose, c'est aussi pour parler de l'hypnose. Donc le faire par la radio, c'est pas mal aussi. D'accord. Oui, puis ça permet aux auditeurs. C'est vrai que c'est pas des. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu trop d'émissions sur l'hypnose. Peut-être à la télé, bien sûr, mais en radio, c'est l'occasion. Oui, il y en a bien sûr. On en parle. Mais alors, chers auditeurs, auditrices et passagers du vol numéro 9 sur Didier & Co, n'hésitez pas à venir sur la page, donner vos commentaires, votre ressenti sur l'émission. C'est sur Didier & Co. C'est pareil. C'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ce qui s'ensuit. Même vous pouvez poser la question par mail à Arc-en-Ciel ou autre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Moi, je vais. Fabrice, autant pour moi, je t'ai pas laissé la parole. Alors juste pour dire, déjà, je te remercie, Didier. Je remercie Radio Arc-en-Ciel de nous avoir invités, parce que franchement, pour nous, c'est vraiment bien de faire découvrir notre association et en même temps faire découvrir que l'hypnose est bien et on peut le travailler facilement, que nous, on est là pour faire des formations. Ces formations sont gratuites. Et ça nous fait plaisir. J'espère que tous les auditeurs qu'ils ont écoutés, qu'on puisse, on va dire, une certaine partie, ceux qui veulent, ils nous rejoignent sur notre groupe. Et puis, on est là pour les former, s'ils veulent. Et puis, j'espère que toutes les questions qui ont été posées, on a pu répondre. J'espère qu'ils ont bien réagi par rapport aux questions. Et puis, franchement, on est vraiment contents d'être venus, d'être invités chez vous, à Radio Arc-en-Ciel. Juste un petit mot pour terminer, et c'est souvent une question. C'est le président toujours qui a le mot de la fin. Vas-y, président, fais-toi plaisir. Voilà, sinon après, il nous fait un. L'hypnose, c'est pas un don. Non. Souvent, les gens nous demandent comment vous avez découvert que vous avez un don. L'hypnose, c'est pas un don. C'est une technique qui s'apprend. D'accord. Ouais, c'est parfait sur ces mots. Moi, je tenais à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait très longtemps qu'on en avait parlé avec. avec Laurent et qu'on a mis ça un petit peu au point. Et ça a été vraiment un grand plaisir d'animer cette émission. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ou de toute façon, j'espère, l'espoir fait vivre, mais il ne faut pas vivre que d'espoir, mais on se reverra de toute façon d'autres lieux et peut-être lors d'une autre émission en direct ou ailleurs. Messieurs, je vous remercie. On va finir donc avec un morceau. Merci. Avec grand plaisir, on va finir avec un morceau de Queen. Et juste après, je vous emmène avec moi, je vous embarque pour une nouvelle idée que j'ai eue ce matin, enfin du moins hier soir, en rentrant de ma répète de musique, puisque j'ai une heure de plus dans mon émission depuis quelques temps. Maintenant, je vais créer des pochettes surprises musicales avec des numéros. Et c'est-à-dire que je demanderai aux personnes qui sont soit followers sur la page ou soit après, de me donner un numéro de pochette surprise. Il y aura à peu près 15 titres dans cette pochette surprise et on écoutera ce qu'il y a dans la pochette surprise. Moi, je le sais, bien sûr, puisque je les prépare. Mais je donnerai les chiffres et les gens pourront me donner. Et éventuellement, si j'ai trop de demandes par rapport à des pochettes surprises, je demanderai à mes invités ou à l'invité du jour de me tirer parmi tous les numéros qu'on m'a donnés. Donnez-moi un chiffre et je mettrai celui-là. Alors ça peut parler d'histoire de la musique, ça peut être un rythme de musique, ça peut être de la musique africaine, ça peut être de la musique de méditation, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Il y aura à peu près une quinzaine de... Voilà, juste être... Et ça, la deuxième partie va s'appeler pochette surprise, comme une pochette de disque. Voilà, et bien en attendant, on est parti donc avec le regretté Freddie et le groupe Queen, bien évidemment. Tonight, I'm gonna have myself.